Je loue des chambres d'hôtel aux étages élevés. Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre avant de les capturer. Je les habille de peut-être, c'est l'attraction de les sceller. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour le développer. Je loue des chambres d'hôtel en étages élevés. J'aime les minois facétieux, leurs sourires écorchés. Maladroits, paresseux, fragiles ou réprimés. Je photographie des gens heureux, sur le papier leur rayon se voit. Je ne trouve rien de plus précieux que cette étincelle ornée de soie. Photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour me le développer. Je photographie des gens heureux, sur le papier leur rayon se voit. Je ne trouve rien de plus précieux que cette étincelle ornée.